Elle voulait pas que je commence par elle, et c'est pas du sadisme, je vous promets. Vraiment pas. On va commencer par Momoko. En fait, c'est super impressionnant quand je regarde. Donc, au départ, c'est l'école des Beaux-Arts de Marseille, c'est oui. ça ? École des Beaux-Arts de Marseille, je commençais par la peinture. Sculpture, performance, ouais. comme tous les Beaux-Arts. Et art vidéo, voilà. Donc l'art vidéo, déjà, c'était quelque chose qui t'a amené un peu plus vers le cinéma. Tout à fait. Et surtout, un voyage Erasmus. Je suis allée outre-Atlantique à San Francisco, à l'école d'art, donc en spécialisation filmmaking. Ouais. Et c'est là vraiment que j'ai vraiment commencé. Puis après, le Frénois, bien sûr, et voilà. Ça paraît évident quand on vient d'une école des Beaux-Arts, le Frénois, il y a quelque chose aussi qui paraît une évidence. À San Francisco, j'ai lu que tu découvres, alors sur un site, il y a notamment le cinéma expérimental. Oui, tout à fait. Il y a des noms qui sont d'un seul coup où tu te dis, tiens, là, il y a des pistes à suivre à l'intérieur du cinéma, parce que tu avais fait de l'art vidéo. C'était quoi ? C'était Nam June Paik, Bill Viola, c'était ça les gens qui avaient... Oui, tout à fait. Et puis d'autres, c'est plus petits cinéastes aussi. On avait étudié Corner pendant un semestre, mais moi je suis restée juste un semestre, donc voilà, il y avait beaucoup tous les noms classiques. Ouais. Et puis surtout, il y avait un cours pratique, donc de 8 mm, de 16 mm, tout ça qu'on grattait aussi, tout ça, et voilà, donc c'était un peu de cinéma expérimental américain, quoi, de l'époque, que je revivais un peu à San Francisco et que j'ai pris un peu goût. Voilà. Et les films sont pas... T'as fait des films là-bas ou t'as fait des exercices ? Oui, j'ai fait des exercices. C'est beaucoup d'exercices. Aux États-Unis, c'est pas comme aux Beaux-Arts. C'est un exercice tous les trois jours. D'accord. C'est une énorme production, oui. Et c'est plutôt grattage sur pellicule, c'est braquage avec peinture sur pellicule, ce genre de choses. Oui, on faisait ça aussi. Puis des tournages avec les bobines qu'on développait nous-mêmes, des noirs et blancs, etc. Donc ça m'avait vraiment beaucoup impressionné, justement, tout ce côté pratique et beaucoup de moyens surtout. Et voilà. Et après, j'ai voulu faire le Frénois. Pourquoi le Frénois ? C'était une évidence avant même que tu partes à San Francisco ou non ? Non, c'était après. Qu'est-ce qui t'a fait arriver vers le Frénois ? C'est vrai qu'on m'avait beaucoup recommandé, les professeurs, tout ça de Beaux-Arts, de tenter, en tout cas, envoyer la candidature. Et puis c'est vrai qu'au bout de 5 ans, avoir fait un peu de tout, on est un peu dans cette instabilité encore de ce que je vais faire, ce que je peux devenir artiste plasticien, etc. Et le fait d'aller au Frénois, je crois que ça accélère aussi. Et puis on est plus dans un cadre pas du tout scolaire, mais plus ils nous prennent vraiment pour des artistes. Et on a un vrai budget de création pendant 2 ans. On est vraiment à mi-chemin entre sortie de l'école et le monde de l'art professionnel. Donc c'était un bon passage. C'est quoi les courses, c'est quoi le travail freinois ? Tu dis que vous êtes assez libre, qu'il y a un côté très professionnel, mais est-ce qu'il y a des cours ou alors il n'y a pas vraiment de cours. Après, il y a des artistes invités, donc que tous les ans ça change et voilà, ils nous présentent leurs travaux. Ils ont des projets eux aussi qu'on travaille avec eux. Après, il y a beaucoup de projections de films. Ils nous montrent beaucoup de films cultes ou des œuvres d'art. Alors ça c'est entre le cinéma et l'art contemporain, donc il y a aussi autant d'installations, des performances que des films. Donc c'est un peu hybride. Et après on a des cours techniques si on en a besoin. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'utiliser 3DS Max. On a des cours d'initiation. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'enregistrer avec le Nagra, on a un cours de son. Voilà, mais c'est pas vraiment... Tout le monde, on connaît déjà beaucoup de choses quand on arrive au Frénois et personne commence vraiment de zéro à apprendre quelque chose. Alors, des fois, je pose des questions, vous aurez le droit de me dire, vous aurez le droit de pas répondre. tu vois, je suis gentil quand même, parce que je te prépare déjà à dire, là, il va y avoir une question, t'es pas obligé de répondre. Je refuse. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'on met pas le cinéma quand même un peu à part au Frénois ? Est-ce qu'il faut quand même que le cinéma soit pas justement dans l'idée d'art contemporain, donc absolument non narratif, absolument ? Et est-ce que c'est mieux de faire une installation que de faire un film en gros au Frénois ? Non, c'est aussi apprécié l'un que l'autre. Par contre, c'est vrai que si on présente par exemple un scénario d'un court-métrage fiction classique, le responsable va dire « Mais pourquoi tu vas pas à la Fémis si tu veux faire du film comme ça ?» le fait de venir au Frénois, peut-être c'est aussi des gens qui... Il y a la marque, voilà. C'est, voilà, c'est des gens qui ne veulent pas forcément rentrer dans le cadre narratif classique type Fémis, mais qui veulent expérimenter autre chose. Et on encourage vraiment à créer d'autres choses que ce qu'on voit classiquement au cinéma, quoi. Alors, l'un de ces films non classiques, on va dire, en 2008, c'est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Planète A. Merci. Qui est... Non, mais qui est l'histoire d'une planète... Avec une caméra assez fixe, en tout cas une caméra qui prend, c'est très contemplatif, et on voit une espèce de vie, une vie qui est en train de se créer sur cette planète. Et ce qui est étonnant, c'est que donc tu travailles la matière énormément dans ce film-là. Oui. C'est quoi? C'est un mélange de... Alors, pour expliquer en gros, pour les gens qui n'ont pas vu, donc c'est un court-métrage de 8 minutes où j'ai filmé en utilisant la technique de time-lapse. Donc, c'est un procédé, c'est un accéléré en gros. On accélère quelque chose de très lent, un phénomène très lent. Et j'avais créé des cristaux de sel à partir de l'eau et du sel cérébrose, quoi. L'idée, c'était de créer des cristaux de sel à partir de l'eau. Et de le filmer et montrer en macro et montrer comme c'était une plante ou quelque chose qui pousse, en tout cas. On ne sait pas trop ce que c'est des glaces ou si c'est des cristaux, et créer un univers qui est composé uniquement du sel. Et donc voilà. Alors, et bien sûr, vous pouvez faire, vous pouvez... Momoko Seto, c'est M-O-M-O-K-O, Seto, S-E-T-O, je ne sais pas si Nicolas, tu peux regarder sur Internet, voilà, vous pouvez tous regarder sur Internet, parce que malheureusement, je ne l'ai pas fait aujourd'hui sur ZOMA, mais Momoko Seto, et vous regardez sur Internet, elle a un site, et voilà, vous pouvez déjà voir un petit peu quelques images de Planète A. Il y a un gros travail sur le son aussi, dans Planète A, comment le son qui est présent tout le temps. Oui. Comment il a été travaillé bien en amont? Tu avais déjà une très bonne idée de ce que tu voulais comme ambiance, ou comment ça s'est passé, ce travail? Oui, j'avais déjà une très bonne idée, et surtout le bruiteur, que ça soit sur Planète A ou Planète Z, c'est donc deux bruiteurs différents, mais qui sont vraiment très très bons, qui a compris tout de suite, je crois, l'univers et le type de son que je voulais. Et surtout aussi le musicien, donc Yann Leguet, qui a fait aussi le Frénois, qui travaille avec moi depuis 2007-2008. On a fait beaucoup de films ensemble, qui lui, il mélange, c'est un artiste qui mélange à la fois le bruitage et la musique. Donc il est vraiment entre ces deux mondes, ces deux types de sons, et qui collait très très bien finalement à mon univers. Donc il n'y a pas vraiment de musique, c'est du son déformé qui devient la musique, quoi. On va, je vous ai pas dit, mais on va travailler à peu près, on va essayer de faire l'émission à peu près en deux parties, où on va avoir une petite présentation de chacun des trois univers, on va dire, et pour ensuite parler plus, en tout cas, dans les 40 dernières minutes, plus animation et femmes. C'est pas suffisant 40 minutes, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà, pour avoir déjà un aperçu. Donc, il y a quelques questions que je te reposerai après, mais donc on passe, Planeta marche plutôt bien, il est plutôt à montrer. Moi, je sais que je l'avais vu au Imagicien. Il est plutôt à montrer dans pas mal de festivals. Est-ce que tu es repéré de suite par Sacrebleu, c'est eux qui viennent te contacter, ou c'est toi qui vas frapper à la porte de Sacrebleu? Non, alors en sortant de l'école, donc j'avais l'idée de continuer dans ce type d'animation. Et donc, je voulais filmer des moisissures cette fois-ci. Donc, j'avais écrit un scénario d'une dizaine de pages. Et j'avais vu un appel de projet qui est organisé par le Festival d'Annecy. CITIA, je crois, ça s'appelle. Oui, c'est le festival qui l'organise avec CITIA, voilà. Qui est l'organisme qui organise, le festival. J'avais pas très bien compris, mais enfin bref. Et du coup, j'ai envoyé. Et puis, trois mois plus tard, j'avais reçu un coup de fil de Centre Images. Donc Région Centre, qui finance aussi des animations, qui m'avait dit qu'il avait sélectionné mon projet. Et donc moi, je croyais pas trop. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui peut choisir des moisissures quand même? C'est pas très sérieux. Et là, c'était vraiment un budget important qui proposait. Donc pour moi, c'était c'est vraiment une grande chance. Et Sacrebleu, donc qui a produit Planète Z, était au carrefour de rencontres à Annecy. Et ils regardaient, je crois, les projets qui ont été sélectionnés, en tout cas retenus. Et donc, Randiens, le producteur, avait aimé le projet également, donc il m'a contacté. Donc, aucun, ni Région Centre finalement, ni Randiens n'avait vu Planeta? Non, aucun. D'accord. Aucun. Donc des fois un film de fin d'études, ça sert pas tant que ça. Ça peut servir, mais finalement oui, pas tant que ça. Enfin, ça sert à expérimenter, mais finalement. Je crois que c'est ça en fait. L'école, ça sert juste à expérimenter. Après, il faut voilà. C'est pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment. C'est juste un tremplin ou juste une porte qui s'ouvre et après on sort quoi. Surtout que si on regarde sur ton site. C'est incroyable le nombre de choses finalement qu'il y a. Il y a aussi bien des documentaires, il y a, bon, comme tu disais, de l'art vidéo ou même des films tournés en vidéo. Enfin, tu fais du montage, c'est ça, hein, tu travailles. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a ces fameux Pink Wagon dont on va parler, mais il y a cette volonté finalement de. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est parce que voilà, tu es obligé de faire plein de choses complètement différentes, le montage ou quoi, pour pas gagner de l'argent tout simplement, ou non, c'est non, c'est vraiment une volonté et justement l'animation, je suis tombée un peu par hasard et je suis absolument une fausse animatrice parce que j'anime absolument rien et j'ai même pas vu le film culte Alice de John Mayer, donc pour vous dire à quel point je suis animatrice. Et d'ailleurs, c'est juste pour une petite épisode, quand j'ai filmé Planet Z dans la région centre, dans le studio à côté, il y avait Barry J.C. Purvis qui filmait Plume. Plume, ouais. D'accord. Donc une animation en marionnette et donc il avait son équipe et à chaque fin de journée, il disait « Aujourd'hui, j'ai fait une seconde. Aujourd'hui, j'ai fait une seconde 10. » Et nous, Planet Z, on installe la caméra et après, on attend 2 semaines que ça moisisse. Donc, pendant le reste du temps, on prenait du goûter, on appréciait. C'était l'été, il y avait un jardin, donc on allait dehors, on rigolait. Puis Barry, à chaque fois, il me disait, mais on vous voit jamais travailler. Moi, j'anime tous les jours de 9h à 20h. Et ce que raconte pas Moko, c'est que paraît-il, en tout cas d'après moi, le producteur, Barry Pearls, mais d'après le producteur, qu'en plus, l'odeur des moisissures n'était pas évidente au bout de quelques semaines de tournage. Il y avait une difficulté alors que lui animait ses petites. En plus, c'est très délicat le Plume, mais encore plus que les autres films de oui, Purves. C'est très très très minutieux. Ah et oui, puis il avait chaud, c'était en été. Il y a pas vraiment de. Enfin, il y avait la climatisation, mais ils étaient tellement dans une telle concentration qu'ils avaient chaud. Et en plus de ça, il y avait des choux-fleurs, 50 choux-fleurs qui moisissaient. Ça faisait un mois qu'ils étaient à côté, ils en pouvaient plus. Et en plus, on n'était pas là. En plus, oui, donc, bravo. Dernière question importante. Donc, tu as toutes ces. Comment tu fais le montage ensuite, sur Final Cut. Ouais, non. Comment répondre techniquement et comment essayer de. Non, mais t'as un nombre de tournages, de minutes de tournage même en time. C'est énorme. Comment on arrive à choisir? Comment t'as un storyboard qui est déjà super. Non, justement, j'ai vraiment du mal à storyboarder ce qu'on veut faire. Je trouve ça. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça ennuyeux de prévoir un film et le faire, et puis le faire comme un ouvrier qui ferait, et le finir comme c'était prévu. Donc, moi, le storyboard, je le fais pour des subventions éventuellement, mais après, c'est pas sûr que je le suis. Mais j'aime bien, moi, voir les rushs, le truquer, le travailler, le déplacer, de voir comment c'est. Donc, je passe énormément de temps devant la table de montage, oui. Alors, les ouvrières de l'animation, on va passer aux ouvrières qui travaillent. Claire. Oui. Claire, alors c'est super bien parce que maintenant avec Internet, c'est vraiment facile d'être journaliste. Si jamais les journalistes qui disent « Oh là là, je parle pas de journalistes de terrain qui vont super loin ou quoi, je respecte, mais un journaliste, c'est quand même super facile. » Des fois, il suffit de taper. Alors, des fois, pas tout le temps, mais des fois, il suffit de taper. Des fois, on a tout. 2004, bac scientifique asso. 2004-2006, atelier de Sèvres. Ensuite, 2006-2009, les arts déco à Strasbourg. Tranquille, après, voilà, c'est super bien. 2009-2011, la poudrière. Comme la question super bateau, comment on passe d'un bac scientifique à. Tu faisais déjà plein de dessins, c'est ça, aux ateliers de Sèvres, en fait, et t'as fait un bac scientifique parce que t'étais obligé. Non, je n'étais pas obligée de faire un bac scientifique. En fait, quand j'étais petite, je voulais être chercheuse. Et ça m'a un peu suivie. Après, j'hésitais entre le dessin et faire plutôt des études de biologie. Et en fait. J'ai visité l'école des gobelins. Et voilà, j'ai voulu faire de l'animation. Waouh, c'est les gobelins qui t'ont. Voilà, et puis après, je suis allée bien loin des gobelins. Et... Enfin, après, j'ai. Voilà, et comment. Oui, gobelins, oui. Ça a révélé une envie, quoi. Et puis après, ça a un peu dévié. Et t'as tenté les gobelins ou pas du tout? J'ai tenté les gobelins, ouais, au début. D'accord. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout comme ça que je voulais faire de l'animation. Mais vraiment pas, et du coup, voilà. Donc, et c'est là où t'as été aux arts En fait, j'ai fait les arts déco Strasbourg parce que je savais déjà que j'avais envie de faire la poudrière, Mais j'avais pas envie d'être tout de suite dans l'animation. J'avais envie de découvrir d'autres choses avant, d'expérimenter, comme tu disais toi aussi, le son, la vidéo, le dessin, enfin des choses différentes, quoi. J'avais été reçue d'ailleurs la même année à l'MK et en fait non, je voulais vraiment faire. Enfin, c'est une super école, les Arts Déco Strasbourg aussi. Ah ouais. Donc voilà, je me suis dirigée là-bas. Puis après, quand en troisième année, je me suis spécialisée en illustration. J'ai senti que c'était vraiment pas mon truc et que c'était maintenant quoi qu'il fallait y aller. Donc j'ai tenté le concours de la Poudrière et puis voilà. Est-ce que on en reparlera avec Charlotte, mais la Poudrière, faut avoir un style graphique, en tout cas un style visuel. C'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il faut avoir un style visuel qui est quand même déjà assez présent, assez fort, pas mal d'obsessions quand même, et à la fois l'idée de toucher à plein de choses. C'est ça quand même. À la Poudrière, en fait, quand j'ai tenté le concours de la Poudrière, j'avais pas trop de style visuel particulier, quoi. Enfin, j'allais un peu dans toutes les directions et tout ça, parce que justement, en fait, aux Arts Déco, en illustration, j'étais complètement à côté de la plaque en illustration, puisque justement, j'étais pas du tout dans un style particulier. Je réfléchissais plutôt au style en fonction des projets. Et c'est ça qui, je pense, me liait vraiment à l'animation beaucoup plus qu'à l'illustration. Et en fait, c'est quand j'ai été détachée un peu de toutes ces problématiques-là d'illustration et que je suis arrivée à la Poudrière que tout à coup, en fait, j'ai commencé à avoir un style un petit peu qui a commencé à venir. Et du coup, voilà, je travaille un petit peu, quoi. Est-ce qu'il y avait des thèmes précis que tu utilisais dans tes travaux aux arts, sans forcément nous les dire, est-ce que tu avais des choses que tu travaillais beaucoup et qui se ressentaient dans ton travail aux arts décoratifs? Oui, ouais. C'est ça. Il y avait quand même. Donc pas de style visuel précis, mais quand même des obsessions ou des choses qu'on pouvait ressentir. Complètement, oui. Parce que quelque chose qui est intéressant, parce que je sais que la Poudrière prend pas mal là-dessus aussi, notamment, et on en reparlera aussi par rapport même à cette différence entre réalisatrice et réalisateur. On en parlait hors antenne tout à l'heure, et justement l'idée de même faire des choses plus personnelles finalement quand on est réalisatrice que quand on est réalisateur, on verra, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est étonnant, faut regarder, alors pareil, hein, il suffit de taper, c'est encore une fois, c'est qui est fabuleux aujourd'hui, Claire, bon c'est comme Claire, et S-I-C-H-E-Z, vous pouvez, elle a un site, il y a tout. Donc, en effet, j'ai hâte de regarder Le Fumeur, Les Larmes du Génie et Robin. Et ces trois films-là, en fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a vraiment une séparation. Il y a ces trois films-là qui sont dans un trait assez brut, assez simple. Il n'y a pas de décor. On est à une chose de simple. Et après, on en reparlera après au volume. Déjà, sur ces trois œuvres-là, est-ce que les trois sont à la suite? Non, pas du tout. Le Fumeur et Les Larmes du Génie, c'est des films que j'ai fait à l'école. D'accord. Et Robin, c'est un film que j'ai fait en sortant de l'école pour France Télévisions, donc, pour le Téléthon. Qui est une commande, d'accord. Voilà, qui est une commande et j'ai travaillé donc au studio de Vivement Lundi. Voilà. Qui est un peu différent, je dis n'importe quoi en plus, parce que les deux premiers, revenons à ce que je viens de dire, des fois même en direct on peut dire des bêtises, surtout en direct on peut dire des bêtises. Donc en fait, les deux premiers, Le Fumeur et Les Larmes de Génie, sont dans le même style, puisque Robin n'a rien à voir, on est sous forme de jeu vidéo, enfin donc ça n'a strictement rien à voir visuellement, je viens de dire n'importe quoi. Donc revenons sur ces deux-là. Ça l'aligne. Oui, voilà, mais c'est aligné sur fond blanc. Mais quand même, non, c'est visuellement, le Fumeur et Les Larmes du Génie, ça a été accepté, petite question vraiment, mais Les Larmes du Génie, ça a été accepté facilement par Canal J? Parce que c'est parce que le petit garçon se noie à un moment donné. C'était pas dans leur ligne éditoriale. Ouais. Donc ça ils me l'ont dit. Après voilà, ça les a pas plus gênés. Bon, enfin, parce que ça pouvait faire peur. Au départ dans l'histoire que j'avais écrite, effectivement, le fait que le garçon se. Enfin, on le voit plus à un moment donné. On le voit plus. Bon, il y a eu cette question-là de montrer, pas montrer, comment le dire. Et ouais, il voulait pas que ce soit trop tragique. Mais sinon, oui, non, ça allait. Comment on passe donc de Stray? Alors, on va revenir sur Robin un peu plus tard, mais comment on passe de Stray finalement, donc assez simple, au volume, avec il y a À Toutes Jambes, j'écris tellement mal, Paléo Litoc. Ouais. C'est bon. Et bien sûr Vieille Courge, où là on est dans du volume. C'est la Poudrière, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup quelque chose, une illumination, en disant c'est vraiment ça que je voulais faire finalement? Ou non, j'avais déjà travaillé le volume avant, quand j'étais aux Arts Déco. J'avais déjà fait des illustrations en volume, un film aussi. Et c'était une technique que j'aimais bien, mais après, ça dépend vraiment des projets, quoi. Il y a des projets, les histoires, elles ont besoin de dessin, elles ont besoin que ça se métamorphose, que le trait vibre, enfin. Et il y a des histoires où, le volume a plus, est plus intéressant par rapport au projet, puis tout de suite, je l'imagine comme ça, et du coup, je l'utilise aussi. Enfin, c'est ce que j'aime bien faire dans les projets, c'est vraiment utiliser la technique et la mettre du côté de l'histoire et voilà, c'est ça qui détermine un petit peu, on va dire, ou qui se détermine au fur et à mesure du projet. Et Vieille Cour, c'était évident de suite que c'était, t'as eu l'idée avant et ensuite tu t'es dit bah oui c'est en volume, ou comment s'est passé le travail? Vieille Cour, je vous l'avais, excuse-moi, vous pouvez le voir, hein, il est sur le site d'Arte. Il suffit de taper Vieille Cour et puis voilà, ou animation ou ce genre de choses, et on tombe assez facilement dessus. Pardon, vas-y, excuse-moi. Donc comment c'est venu? Est-ce que c'est le sujet? C'est ton film de fin d'étude de La Poudrière? Est-ce que je sais qu'il travaille beaucoup à La Poudrière sur l'écrit? Ouais. Comment raconter aussi une histoire? Ça s'est passé comment? En fait, je savais pendant l'été, ils nous demandent de bien réfléchir au projet qu'on a envie de faire, et de toute façon, moi, j'avais envie de continuer la thématique donc sur laquelle j'étais en train de travailler, qui était déjà celle de mon film de une minute en première année, c'est La Vieillesse. Mmh. Et donc j'avais fait trois projets d'histoire autour de ça. Et donc tout de suite, oui, je savais que j'avais envie de faire du volume. Je savais pas encore comment j'avais envie de l'exploiter au maximum, mais voilà. Donc je sais pas quoi t'en as fait. Non, mais c'est intéressant que tu te retrouves avec Juliette Loubière dans le même atelier, parce que vous avez tous les deux fait un film en volume sur une maison de retraite. Mais sauf Vieille Courge est un film assez noir. Ouais. Ça a pas, c'est-à-dire que le fait de dépeindre la vieillesse était déjà, qui est pas évident, dont on en parle. Je veux dire, quand Pixar a fait Up, tout le monde disait un vieillard héros, etc. Alors là, bon, on est en court métrage, c'est un peu différent, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une fin, enfin, à ce qu'il y ait quelque chose un petit peu. C'est pas une critique, hein, soyons clairs, c'est juste comment c'est travaillé ça, justement. Est-ce que toi, t'as une réflexion par rapport à cette vieillesse, comme tu dis, quand je commence à écrire une histoire, je mets des éléments en place. Il y a des choses, je suis sûre que j'ai envie de les avoir, des personnages ou, là, il y a une métaphore, quoi, avec les personnes âgées, donc, dans la maison de retraite qui sont représentées en légumes. Donc, je suis partie tout bêtement du jeu de mots quand on dit qu'on est un légume, qu'on fait rien, voilà, je l'ai transposé à l'image tout bêtement. Et en fait, donc du coup, à partir du personnage aussi principal, c'est une personne âgée qui a pas envie d'aller dans cette maison, et on voit la maison telle que elle la ressent, elle l'imagine. On voit la maison de retraite donc à travers ses yeux. Et à partir de tout ça, en fait, j'essaye de créer une histoire, et les choses, elles s'imposent aussi un peu à moi. Enfin, j'ai décidé que j'avais envie d'en parler de tout ça, mais l'issue, elle me semblait évidente, et je pouvais pas jouer autre part. Enfin, je me sens un peu emprisonnée dans cette fin. Et c'est comme ça, les éléments, ils s'enchaînent, et je sens que c'est comme ça qu'il faut qu'ils s'enchaînent et qu'ils s'emboîtent, et qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'hésitation. Ces personnages vont forcément dans ce sens-là. Il y a des hésitations à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette fin-là? Je me suis vraiment questionnée à un moment donné, parce que je savais aussi que voilà, c'était pas forcément une super image à donner de la maison de retraite. Donc il y a une hésitation, et en même temps il y en a pas, parce que l'histoire était cohérente comme ça, et ce personnage était obligé. Et quelque part je le ressentais comme ça, ouais. Que le personnage était obligé d'agir comme ça, je l'avais conçu pour qu'il aille jusqu'au bout de sa propre logique, quoi. Ah ouais, c'est juste là l'animation, où l'animation est intéressante, c'est quand on vous dit c'est des vieilles, c'est des personnes âgées qui se transforment en légumes, on peut trouver ça rigolo, et en fait faut voir le film, on n'est pas du tout dans quelque chose de rigolo. Il y a même un moment donné qui est toujours un peu dur dans un film, où elle s'épluche. Ouais. Le bras. C'est exactement la même chose, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout, de se servir de l'univers que j'ai posé, et de l'utiliser au maximum, de pouvoir imager les choses jusqu'au bout, quoi. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce que je te lance déjà, je te lance et puis on repartira quand même. Donc, Vieille Courge, il y a la Poudrière pour la 400 millième fois à ce micro, et j'en parle sur The Web Anime la 400 millième fois, je dis. Le problème de la Poudrière, c'est que le film de fin d'étude, ou il marche en festival, ou alors on le voit pas. Ouais. Parce qu'en fait, il est jamais sur Internet. C'est une des complexités. Alors, si ils peuvent pas faire autrement, la queue de la souris, vous le voyez sans problème sur Internet. Mais parce que bon, là, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent plus faire autrement. Ça, c'est une des complexités des choses. Est-ce que le film a bien marché en festival? Est-ce que toi, t'as beaucoup tourné en festival avec? Non, le film, il a pas trop fonctionné en festival. Parce que c'est ça le problème en plus, c'est que vous êtes en conflit entre guillemets, parce que souvent les écoles envoient 10 films ou 15 films et que finalement ça peut poser problème. Il suffit qu'il y ait un ou deux films un peu plus forts, ou en tout cas qui sont pris dans plusieurs festivals, et finalement c'est un peu la complexité des choses. Quand on sort, on a ce film là qui est un très beau film, qui est passé sur Arte. Arte donc achète le film. Ouais, préachète. Préachète ouais. Le film, ils font pas ça, voilà, c'est plutôt, plutôt bien, hein. Qu'est-ce qu'on fait après? On se dit, toi, t'avais envie de faire du court-métrage de suite après, ou tu dis non, faut d'abord manger. Qu'est-ce que je fais après ça? Quand j'étais à l'école, j'ai pas trop réfléchi à tout ça. Puis après, c'est venu tout d'un coup. j'avais pas envie spécialement de réenchaîner sur un court-métrage. Et en fait, ça s'est un peu fait quand même. Donc, j'ai commencé à écrire une histoire, une nouvelle histoire. Et puis là, je suis sur un projet. Donc, avec une amie qui fait le graphisme et moi je fais le scénario, donc on est en train, on a lancé la machine, le scénario est prêt, donc il y a un court-métrage en route. D'accord. Après, effectivement, quand on fait des écoles, surtout en ce moment d'animation ou d'art, où on nous demande d'être à 400% dans nos projets, et qu'on sort de l'école et qu'il n'y a pas 400 000 personnes qui nous attendent et qui veulent, et il n'y a pas 400 000 postes aussi, et ben on se retrouve un peu, c'est un peu difficile parce que on a de l'énergie, quoi. On a de l'énergie, et puis derrière, en fait, il n'y a pas autant de travail que ça, et du coup, voilà, on est un peu obligé, enfin, on est forcé, et puis de faire des projets, et puis voilà, c'est bien aussi, quoi. Mais c'est sûr que, ouais. Question. On va en reparler juste après, juste pour revenir sur Robin, qui est une espèce de, moi j'avais pas vu, hein, j'avoue, je l'ai vu sur ton site, qui est une espèce de doc animé, en fait, puisque t'es parti du témoignage de ce petit garçon, c'est ça? Et est-ce c'est peut-être bête comme question, mais est-ce qu'on sent une forte responsabilité quand on fait ça? C'est-à-dire qu'on a un petit garçon qui est malade, qui nous raconte un peu, qui a une histoire, notamment à la fin, pas dure, mais quand même, qui raconte. Est-ce comment l'idée du jeu vidéo était? Moi, en fait, ce qui était le plus important pour moi, c'était que Robin, il se reconnaisse dans le film, en fait, que ça le trahisse pas, parce que évidemment, on est tenté d'aller dans des choses qui sont un peu banales, ou des images qu'on peut recevoir de la télé et tout ça sur la maladie. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie de faire un film qui lui ressemble et qui semble que ça lui plaise, en fait. En fait, c'était ça le truc le plus important quand j'y suis allée. C'était vraiment que ça lui plaise, et du coup, comme j'ai vu, enfin, donc je suis allée avec les personnes qui l'ont interviewé de France Télévisions. Donc je suis allée chez lui, on l'a rencontré pendant 2 jours, et du coup, moi, j'ai pas mal observé, j'ai dessiné et tout ça, et voilà, en fait, c'était le jeu vidéo, et puis voilà, il adorait ça. Et évidemment, le jeu vidéo, c'est une façon de se transposer dans plein de chose merveilleuse, et du coup voilà, j'avais envie d'utiliser ce qu'il aimait pour raconter un peu qui il était, quoi. Et alors, il a aimé? Ouais, il a aimé. En fait, vous voyez pas, mais chaque fois je regarde l'horloge et je regarde Florentine, l'horloge et Florentine, en fait. J'ai peur de me faire engueuler à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on enchaîne sur Charlotte, ou peut-être qu'on prend une pause. Petite pause musicale, elle me fait oui de la tête. Donc on va prendre une pause musicale avant Charlotte. On va passer, alors, j'essaie de prendre des choses courtes, comme d'habitude. On va pas prendre la piste 4, on va pas prendre la piste 5. Donc je suis désolé, on va pas prendre Morrissey, qui est à un moment donné important, parce que je l'avais vu en France, on l'avait vu ensemble. On va un autre concert qui a été important pour moi, que j'ai vu donc avec Olivier, qui est, vous allez entendre l'Injustice, c'est très court. On avait été en Angleterre, c'est un peu une de mes hontes. Les Anglais font les choses bien, donc ils faisaient la queue, et puis il y avait une queue pas possible. Et nous, en bon français, indisciplinés, n'importe quoi, on est passé devant tout le monde. Et voilà, donc ça m'a permis de voir le concert, qui reste l'un de mes concerts préférés, mais j'ai un peu honte voilà, de ce qu'on a fait, mais en tout cas c'était un grand moment. On écoute, vous allez voir, c'est très rapide, c'est East of Eden, et donc c'est l'Injustice avec Mariam Mackey. Ça date maintenant 90, mais ça me fait encore assez plaisir de l'écouter, donc on écoute ça. Merci Nicolas. Donc c'est la piste 6. Voilà. À chaque fois de jongler avec ça. Et oui, c'est toujours Radio Libertaire, bien sûr. Bulle de rêve, qui, comme vous le savez, ne peut passer que sur Radio Libertaire. 2 heures sur le cinéma d'animation. Comme je dis souvent, le jour où les autres émissions parleront elles aussi d'animation, peut-être qu'on arrêtera de parler que de ça. Voilà, comme aucune autre émission n'en parle, eh ben, on continue à se battre pour le cinéma d'animation. Vous écoutiez L'Injustice, East of Eden. Voilà, on continue à parler. On a eu déjà 2 témoignages. J'aime bien, je parle. Je dis des trucs, je sais même pas moi ce que je dis en fait, faut savoir. Et maintenant on passe à la troisième, qui est la petite jeune. Voilà, Charlotte Cambon qui, alors pareil, vous tapez Charlotte Cambon, c'est A-M-B-O-N et vous avez son blog. Alors même vous avez plusieurs blogs. En fait, c'est ça toutes les trois qui vous réunissent finalement, c'est que donc tu fais de la photo aussi. Ouais. T'as bien travaillé tes vidéos de vacances. Ouais, en fait, c'était cet été. Moi, j'ai fait mon stage en Suède pendant 2 mois. Ce qui fait que, à partir du moment que ça a commencé, je me suis dit, il faut que j'ai de la matière quand je revienne de là-bas, parce que j'aurais peut-être jamais l'occasion d'y retourner. Et je faisais presque pas de photos avant. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Je suis partie une semaine toute seule me balader dans les îles en Suède avec mon petit sac. J'ai fait plein de photos, je filmais des gens, j'ai rencontré des gens là-bas et... Ouais, il y avait vraiment cette idée de, je sais pas, de souvenirs, de garder des choses de là-bas. J'avais fait un carnet de voyage. Donc c'est de là que c'est parti, la photo. Et donc les vidéos, la Pixie, tout ça, voilà. Ouais. Avant ça, non? Avant ça, c'était dessin. T'es rentré au Gobelin par vraiment l'envie de faire de l'animation traditionnelle? Non, pas forcément. En fait, moi, j'aimais bien l'installation, la vidéo, la sculpture, le volume. J'étais à Dupéré, c'était très très textile. C'était pas forcément ce que je voulais faire, mais moi j'étais très curieuse de ça. Et pour moi, les Gobelins, c'était une étape entre le boulot que je voulais faire après. C'était vraiment apprendre la technique. Donc moi, les Gobelins, j'ai toujours vu ça comme une étape pour après repartir vers d'autres choses. Une étape de 3 ans quand même. Ouais, mais enfin une école quoi, faire une école. Pour Est-ce qu'on se sent pas... Elle a pas fini les Gobelins, c'était pas obligé de répondre. Ouais. Est-ce qu'on se sent pas frustré, même si évidemment c'est une excellente école, est-ce qu'on se sent pas frustré de faire que cette animation traditionnelle et on a envie de... Quand on est comme toi, quand on aime plein d'autres choses, est-ce que t'as... C'est pas la frustration parce que moi je savais pourquoi j'y allais. Je connaissais bien l'école, je connaissais bien les travaux. Ce qui est plus embêtant, c'est que... C'est toujours beaucoup, beaucoup la qualité. Et des fois, c'est plus ça qui est une pression. Plus de qu'on arrive avec le bagage des anciens, du niveau de l'école et qu'on a envie de continuer. On fait pas mieux, ni moins bien, ni rien. On essaie juste d'être dans l'optique de faire des films bien finis, bien animés. Et même pour les autres gens de l'équipe, moi, je suis avec des filles qui sont très bonnes en animation, qui sont très douées en graphisme et... Voilà, on a envie de pas être à la traîne derrière, on a envie de suivre pour être pleinement dans l'équipe avec laquelle on est. Donc c'est vrai que c'est du boulot pour apprendre. Donc en fait, c'est un double boulot parce que un, on veut être dans les Gobelins, on veut continuer à être à bien suivre et à la fois on essaie quand même d'un autre côté de faire. T'as fait Moi, je suis tout à côté, moi. Oui, c'est ça. Les chats, c'était dans l'école. Le champ post-it. C'était à l'école. T'as eu le droit de faire Alors, des fois, on a le droit de faire des choses, c'est super bien. En fait, c'est un exercice. C'est vraiment un exercice que, tu sais, en première année, il y a un peu les exercices types. Et il y en a un, c'est une marche quadrupède. Et après, on a un intervenant, un professeur des arts déco, qui est François Darras, qu'on voit très souvent, avec qui on a pas mal parlé de notre film cette année, qui vient... L'un des meilleurs profs, l'un des personnes les plus intéressantes dans le cinéma d'animation. Dédramatise beaucoup les choses. Il est super intéressant. Et donc on a une semaine pour faire ce qu'on veut. Et moi, je sais que depuis le début de l'année, justement, j'avais un peu ce... On faisait que de l'anime 2D et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et ouais, je m'étais... On va dire que je m'étais lâchée. Donc, ouais, j'étais toute seule dans ma salle. J'ai rétroprojeté mon anime sur un tableau blanc, sur des post-it que j'avais collés en cascade. Et puis, j'ai fait de la pixie, en fait. Et ouais, ouais, c'était... Et ça marche bien. Ouais, j'étais étonnée. Hein, c'est que... super ça, ça fonctionne super bien. C'est... Les gens m'en parlent, des fois, c'est genre, ah, t'es la fille au post-it, c'est toi. Ou des amis qui montrent, comme j'ai mon blog, tu vois, des fois, j'ai des amis qui montrent à des connaissances ce que je fais. Et après, moi, je les rencontre en vrai, ils me disent, ah, t'es la fille toi, au post-it. La fille au post-it. C'est vrai qu'il est... Non, mais en plus, cette vidéo est d'autant plus belle que souvent, c'est l'un des problèmes de l'animation. Et surtout, quand on est dans une école très technique, comme les Gobelins, c'est qu'on est souvent dans la technicité, finalement... Enfin voilà, de l'animation et comme tu dis, l'idée de faire beau, l'idée de faire plutôt, voilà, il faut que ça marque de suite. Et que là, quelque part, c'est à la fois super réussi et à la fois, on n'a pas l'impression de... Enfin, moi, c'est pas l'impression que j'ai eu de le côté, le challenge technique où il fallait avoir tous les post-it qui allaient vraiment bien. Je sais pas, il y a une côté c'est bricolé, assez libre. Ouais. C'est bricolé. De toute façon, moi, je suis beaucoup comme ça. C'est un peu mon défaut des fois, c'est que je suis assez brouillonne dans mon boulot. C'était un peu mon défaut quand je faisais de la recherche graphique ou des choses comme ça. J'étais beaucoup dans les choses très très jetées en story, tout ça. Fait que des fois je suis la seule à me comprendre. Et mais bon, maintenant j'essaie de garder ce côté un petit peu spontané tout en essayant quand même de faire des choses plus pas contrôlées, mais de quand même avoir des images plus travaillées, plus belles. Parfait pour la poudrière. Avec tous les exercices qu'il y a à la poudrière, Claire, il y a énormément. Je sais que j'ai reçu ici, on a souvent parlé de la poudrière. Et il y a des exercices quand même souvent, quoi, régulièrement, en première année. Puis après, les adaptations de séries, Canal J, bien sûr, enfin, etc. C'est... Non ? Bah si, c'est très... Enfin, c'est très cadré, non, parce qu'on a une impression. C'est la réalisation et en fait, voilà, il y a quelque chose de très... Ah oui, c'est très cadré. Tout est... minuté, timé, tous les exercices, ils sont là de, ils sont pas là pour rien et depuis des années ils sont bien réfléchis par Laurent Pouvaret et non et puis c'est ça qui fait que c'est bien et que voilà, enfin on sent que il y a un investissement et une réflexion autour de la pédagogie et de ce qu'on est capable de donner et à quel moment il faut le faire et tout ça. Ouais. Donc voilà, donc ça va te permettre de, justement d'aller encore plus loin dans ce cadre et à la fois cette liberté quand même. Il y a qu'une chose qu'on peut pas faire à la poudrière. Laurent, Annick, je sais pas si vous écoutez, mais voilà, c'est l'expérimental en fait. Il y a pas d'expérimental. Non, mais moi je parle en film de fin d'études. Il y a pas. Ah, mais je pense que c'est parce que c'est les élèves qui choisissent. D'accord. Je suis très épaté. Je pense que j'ai jamais vu aucun film. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à en avoir vraiment de films, mais vraiment expérimentaux. Hein. Mais parce que je pense qu'en fait, pour aller, enfin, comme on a beaucoup de cours autour de la narration et que on voit les fondamentaux, des choses plus classiques. On est un peu dans cette dynamique-là. Et du coup, je pense que pour le film de fin d'études, on a peut-être envie... Enfin, il y a peut-être voilà, inconsciemment envie d'y rester et d'aller au bout de cette logique. Mais je pense qu'après, si quelqu'un a envie de faire quelque chose de beaucoup plus expérimental, il pourra. Il faut juste qu'il l'assume jusqu'au bout, quoi. Ce sera plus dur à assumer, ouais, c'est voilà, sûr. C'est ça, parce que les intervenants qui sont là, ils sont pas forcément là-dedans, donc il faudra s'imposer un peu plus, mais je pense que c'est complètement possible. Ou alors sinon on va au Frénois. Oui, voilà, on fait la poudrière et après voilà, on fait le Frénois. Et... Parce que j'ai failli. Je voulais. Non, moi aussi je voulais aller au Frénois. Et pourquoi vous n'avez pas fait ? Alors, Momoko vient de... Pourquoi vous n'y avez pas été ? Claire. Bah moi je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête un peu les études. Je me suis dit, non, en fait, après les Indes, c'est vrai que entre les Indes Strasbourg et la poudrière, le Frénois, c'était un peu, genre, un peu les deux, et c'était la touche finale qui aurait été un peu parfaite, quoi, puisque je m'intéresse aussi à la vidéo, au film en prise de vue réelle et tout ça. Mais ouais, c'était vraiment, enfin, j'avais envie aussi de me confronter au milieu professionnel, et puis je me suis dit que c'était des projets, je pouvais aussi en faire, voilà, dans la vraie vie après, quoi. Ouais. Charlotte? Moi, c'était parce que j'avais un peu... Pareil, j'en avais entendu parler quand j'étais en mise à niveau. Une de mes profs qui me disait, vas-y, c'est pour toi. Mais comme c'était pour plus longtemps, j'avais le temps d'y réfléchir. Et en fait, je crois que je me suis vraiment passionnée pour l'anime quand j'étais au Gobelins. Enfin, moi, ça a été... En fait, je me suis mise vraiment tard. C'était comme toi. Moi, j'ai fait mon bac S, l'animation. D'accord. C'est venu tard. Moi, je faisais du dessin depuis toujours. Non, je voulais faire ingénieur informatique. Wow, okay. Voilà. Donc, c'était... Et un jour, j'ai visité une école comme ça et les Gobelins l'après-midi. Et j'ai eu une espèce de... Même mes parents ont été convaincus. C'était super. Donc, voilà. Génial. C'était... Ouais, non, c'était tard. Et puis... Quand j'ai fait un bac S aussi. C'est vrai. Pour refaire le trio. Florentine. Ouais. Non, j'ai fait un bac L, très classique. D'accord. Bah non, là, c'est pas classique. Regarde le bac S, c'est plus classique finalement. Habituellement, même dans ma classe, c'est un bac L qui est classique. C'est, pour c'est vrai, c'est plus bac S. Ouais, dans mon équipe, on est 3 sur 4. Même avoir fait des formations scientifiques vraiment avant de venir. Comme quoi, hein, on croit, mais l'animation en fait est très, très scientifique. Très carré. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais, c'est ça. C'est... On se dit, ah, tain, ils ont plein d'inventions, plein, de, plein d'imaginations. Non, non, en fait. On fait des maths. ton film, tu étais l'une des premières, les premières années à avoir fait le film de Plantu. C'était les premières, J'ai l'impression qu'il y a, plus, il y a une liberté qui a, entre guillemets, plus maintenant. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre le dessin tel qu'il était? En fait, nous, on est tombé l'année où c'était nouveau. Donc, c'était pas encore trop... Plus de liberté. Ouais, voilà. Mais c'était pas encore trop mis au point. Et d'un côté, maintenant, je trouve ça... En fait, voilà. La première année, on l'a eu. Nous, c'était un exercice. C'était travailler pour l'association Cartooning for Peace, qui était le représentant, c'est Plantu, en France, voilà, qui était venu à l'école. Et il nous avait dit... On va partir sur la thématique du dessin de presse, donc du dessin très efficace, souvent des plans séquences, où vous partez, il y avait 4 thèmes assez généraux, il y avait l'écologie, l'égalité homme-femme, la liberté de la presse, 4e j'ai oublié, et on faisait un film de 1 minute comme on voulait, mais graphisme simple, parce qu'on n'avait qu'un mois, et fallait tout faire en un mois, du début à la fin, donc c'était très court, et moi j'avais fait sur la liberté de la presse, la censure. Et j'étais partie du dessin d'André Gide avec la femme avec les ciseaux pour montrer la censure. Et j'étais, voilà, j'étais partie là-dessus. Et on sent plus d'amusement. Bon, amusement n'est pas le terme, parce que c'est des sujets qui sont sérieux. Mais on sent plus de plaisir. J'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. Il y en a de très intéressants. Mais on sent quand le dessin est déjà fort, finalement, l'animation ne sert peut-être qu'à... que ça soit vu par un peu plus de monde, mais il y a plus autant de création qu'avant, j'ai l'impression. Par rapport au... Par rapport à toi, par rapport à l'année... Au même exercice. Disons que maintenant, les nouveaux exercices, c'est plus une mise en animation d'un dessin d'un caricaturiste qui est déjà existant, donc ils choisissent, et ils le mettent en scène. Mais c'est vrai que des fois, il y en a où le travail est presque déjà tout fait. Des fois, c'est limite des petites bandes dessinées. Donc moi, je sais que j'aurais été triste d'être l'année suivante. Moi, je me suis vraiment... J'ai vraiment aimé faire ça. En plus, moi, j'ai pu le présenter dans un festival toute seule. Je l'avais envoyé moi-même. J'ai pu aller en parler parce que c'était mon film à moi. C'était pas le dessin de quelqu'un d'autre. Donc, c'était plus intéressant pour moi quand je le montre. C'est mon petit film, mon petit début de réalisation, quoi. Et c'est bien. C'est vraiment, je sais pas si c'est Hélène Beau est déjà venue ici et les Gobelins. Je sais pas si c'est elle, mais c'est vrai que c'est une impulsion qui est intéressante parce que quand beaucoup de gens arrivent aux Gobelins, moi, j'ai assisté à la réunion cette année avec Plantu. Alors, c'est vrai que le problème d'aujourd'hui, c'est que Plantu, je pense que maintenant, il sait un petit peu. Donc, quand il présente chaque dessin, il fait, alors moi, je vois bien ça comme ça et on pourrait faire. Ouais. Donc, il cadre un petit peu déjà, ce qui est un peu problématique. C'est pas forcément qu'il cadre, mais il est vraiment passionné. Mais oui, il était venu à l'école et en fait, à chaque fois qu'il venait voir nos projets, il nous donnait plein d'idées et tout. Et... Donc voilà, c'est super intéressant. C'est vrai qu'après, nous, comme on... réalisateur et la réalisatrice... Ouais, c'est ça. On est censé être aussi porter notre film nous-mêmes. Donc, mais c'est un dialogue, hein, c'est vraiment... Mais c'est un exercice important, en plus, de faire aussi du dessin politique et du dessin engagé. Ouais, ouais, et de l'animation engagée, finalement, dans une école comme comme les Gobelins, qui est moins connue, on va dire, pendant des années pour ça. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est important. C'est vrai que c'est intéressant de faire ça. Surtout que la deuxième année, toi, donc, un film sur lequel travaille, c'est Grand Central, ouais. D'Annecy. Là, c'est complètement différent. Tu passes d'un travail seul à un travail à plusieurs et avec le stress de se dire faut qu'on finisse absolument. L'autre aussi, bien sûr. Et puis aussi, le film, c'était l'idée aussi qu'on a tous, c'est que s'il est mauvais, il est montré de toute façon. Ouais. Il n'y a pas de sélection. Et c'est vrai que pour la plupart, c'était vraiment notre premier film. Moi, je l'ai vraiment considéré comme mon premier film fini que j'ai fait. Et c'est en équipe. Et c'est vrai que c'est une très grosse pression parce que. Voilà, on débute, quoi. Mais c'est vrai qu'il est assez différent. Donc, Grand Central était l'un des bons génériques. Je regarde Florentine qui me fait oui, donc c'est... voilà, l'un des bons génériques du Festival d'Annecy. C'est très, voilà, si vous avez jamais entendu, on en a souvent parlé, mais bon, peut-être pas forcément toujours là, hein, quoi que vous devriez l'être, mais bon, tant pis. En fait, les Gobelins réalisent des génériques, en fait, un par jour pour le Festival d'Annecy. C'est l'exercice de deuxième année. Et ils sont plusieurs. Et c'est une équipe qui est choisie par les encadrants. Et après, vous pouvez changer si vraiment changer. Il y a des gens qui se détestent. Mmh. Et voilà, et de pouvoir quand même changer pour se dire, quand même. Donc ça, c'est le deuxième. Grand Central, vous pouvez le voir. La troisième est en train d'être faite. Oui, on est en plein dedans. Une histoire de famille. Une histoire de famille, ouais. Hein, c'est ça. Une histoire de pot-au-feu. avec une femme un peu débordée qui est obligée de... C'est une mère de famille qui devient le chef d'orchestre de sa famille. Donc c'est une histoire qui se passe pendant la préparation du repas. Donc l'idée, c'est vraiment une scène quotidienne. Et on a créé comme un petit système la pièce du salon. C'est comme un petit théâtre où les personnages vont et viennent. Et la mère, elle est devant en premier plan. Et c'est celle qui coordonne tout le monde. Et chaque personnage a un instrument associé. Donc on a vraiment bossé sur la musique très très tôt. Et c'est une chorégraphie de famille. C'est un film sur l'alignation de la femme. Non, mais on voulait pas partir du tout dans le côté féministe. On a eu peur de ça à un moment. Je pense que ça va, on n'est pas trop. Plus, on est une équipe de filles, donc. Oui, en plus, ça c'est un peu double. Non, le film est. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pas vu encore, mais est plutôt sous le côté comique, on va dire. En tout cas, plutôt voilà, tendre et c'est comique. C'est assez léger. Que... Est-ce que tu peux nous parler. Il est tard déjà. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de... Est-ce que c'est ça qui a penché pour que tu partes au Gobelin à la Poudrière, par le talent, évidemment, au niveau de l'anime ou quoi. Sugar Beach, c'est ça? J'ai mal compris, c'est ça? Non, oui. Ça, c'était vraiment... Ça, c'était un cadeau pour la famille. D'accord. Mais oui, mais il y a quand même quelque chose. C'est du volume. Ouais, c'est un mélange. La pixelation pour le fond. C'est une maquette. En fait, j'ai fait une petite boîte où j'ai fait recréer une petite plage. J'ai animé des vagues avec du papier et je suis partie sur une détection juste de vagues et je suis partie là-dessus et j'ai rajouté un personnage sur Flash. Et... Mais c'était l'idée. Je voulais absolument faire un cadeau à mes parents. C'était pour mes parents à la base. C'est un endroit où on va tout le temps. Et c'était vraiment parti là-dessus et j'ai fait ça en une semaine. C'était vraiment super court. Et je sais pas, moi, c'est quelque chose que je fais à côté parce que ça me plaît de le faire. Pas forcément dans une idée de... Voilà, je me suis dit, à un moment, j'ai une semaine, je fais quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose, déjà toi, par rapport à... On est quoi? On est en mai? C'est ça, hein? On est le 26. On est le 26, ouais. Donc juin, juillet, août, septembre. À 3 mois de la rentrée déjà, ouais. Même pas fini. Ma future rentrée. Déjà, je te parle. J'ai mon sac sur le dos. De rentrée, voilà, à la Poudrière. Est-ce que t'es... Je sais que c'est une question qui peut paraître un peu vague et peut-être un peu, mais est-ce que t'es déjà t'as des envies de style graphique, t'as des envies, tu dis non, la Poudrière, ça va me permettre d'aller vraiment là-dedans, ou alors au contraire, comme Claire, de dire, je verrai bien ce qui va m'arriver, puis peut-être de réfléchir sur un autre style graphique, on verra bien ce qui va se passer, ou une autre technique d'animation. Moi, je pense que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de raconter en termes de film, et je sais que j'aime bien partir sur des idées de système et de concept de film, donc moi, c'est vraiment ce qui va déterminer. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais bien faire ce que j'ai pas fait au Gobelin, quoi. Donc, parce que là, bientôt, il va y avoir assez de matériel pour faire de la stop-mo, il y avait pas quand j'y suis, là, mais ça, j'aimerais bien. Mélanger les techniques, je pense que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent de ce que je fais. Même là, sur le film, on fait du tout numérique, mais on a quand même réussi à amener pas mal de tradis, de vibrations dans le trait, des choses comme ça qu'on fait à la main. Donc, pousser ça encore plus loin après. Donc voilà, faire encore plus plaisir par rapport à ça. Ouais. Dans les histoires, donc tu trembleras au moment du thème du film d'une minute. Oui, oui. Quand ils vous annonceront, c'était quoi le thème d'une minute, toi, Claire? Alors nous, quand même, c'était le vélo, le thème. Ah oui, je sais. Mais j'étais... C'est dur, le vélo. Mais donc, j'étais là, en fait... Oui, c'était d'accord, toi okay. qui nous avais présenté des films autour du vélo. je me disais aussi, d'un seul coup, c'est vrai que j'étais là, mais c'était ma première à la Poudrière. J'étais un peu tendu en disant, oh, je suis prof à la Poudrière, ça y est, enfin. Comme maintenant, je suis prof au Gobelin. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu... Et je me rappelle, et après, j'avais dit à Laurent alors, et il m'avait dit, bah, écoute, ils sont sortis tous un peu déprimés, entre guillemets, parce que... Bah, c'est un objet. C'est un thème, c'est juste un objet, donc du coup c'est assez dur de se libérer de ça et puis de réfléchir à autre chose. Mais... Et toi, c'était lequel t'avais fait? C'est à toutes jambes. C'est à toutes jambes, bien sûr, je suis bête. Parce que je me rappelle juste d'un qui était avec Laurent Pouvaret qui volait un vélo, enfin qui mettait un vélo, qui prenait un vélo, quelqu'un avait joué avec le personnage. Ça n'a qu'un intérêt très très faible. Et... D'élite 8. Voilà, d'élite 8, tout à fait. Alors, en une demi-heure, femme et animation, il n'y a aucune raison, ça va être super facile, on va y arriver sans aucun problème. Il y a une lettre du 7 juin 1938, d'une certaine Marie, je sais pas quoi, qui a envoyé une certaine Miss Marie V. Ford, et, qui habitait en Arkansas. C'est quelqu'un qui... c'est un un petit-fils qui a retrouvé ça dans la malle de sa grand-mère et qui a posté ça sur Internet. C'était il y a 2-3 ans. C'est Walt Disney qui envoie ça, Snow White and the Seven Dwarfs. Voilà, c'est très joli. Enfin, c'est tout Walt Disney avec en haut Blanche-Neige, des sept nains, ses petits lapins, etc. Et puis la méchante sorcière et la pomme en bas. Enfin, voilà, c'est très, très beau. Et c'est une réponse à une demande. Et en gros, là, c'est « Chère Madame Ford, chère Mademoiselle Ford, votre lettre a bien été, nous a bien été reçue. Non, votre lettre récemment reçue a bien été envoyée au département gouache, enfin encre et voilà, gouachage pour une réponse. Et, les femmes ne font aucun travail créatif en connexion avec les cartoons, les dessins animés pour l'écran que nous faisons. Seulement les jeunes garçons ont le droit de travailler ça, là-dessus. C'est bien entouré de ouais, voilà, garçons. C'est pour cette raison, les jeunes femmes ne sont pas considérées pour. Elles voulaient rentrer dans l'école de formation et voilà, elle ne peut pas rentrer dans l'école de formation puisque forcément, elle n'a pas le droit de faire du travail de création. Le seul travail ouvert aux femmes consiste en fait à tracer les caractères sur des feuilles de celluloïde, enfin voilà tout le travail qui était fait à une époque de gouachage. Et donc on lui dit en gros, et puis à la fin on lui dit quand même, ça sert même à rien de vraiment venir parce qu'il y a très peu de postes, et si c'est juste venir à Hollywood pour nous montrer en fait vos trucs, ça sert à rien de venir. Voilà, c'est Disney, hein, c'est... Vous la connaissez pour certains. Ouais. Je mens pas, hein, voilà. Nicolas, regarde, c'est Disney, tu vois, on reconnaît bien, etc. Donc voilà, on voit ce que faisait Disney à l'époque. On est en 1938 avec les femmes. L'idée, c'est que depuis, en fait, là, j'ai un livre intéressant qui s'appelle Women and Animation, Compendium, enfin, quelque chose qui a été fait en Angleterre. Si autour de la table, je vous dis de me dire quelques noms comme ça de réalisatrices. Anita Kelly, Regina Pesco, Wendy Tilly, ouais. Nina Paley aussi. Ouais. Il y avait Momoko, elle dit rien. Marjane Satrapi, mais bon, voilà, c'était de la coréale. Ouais. Claire Parker. Claire Parker. Et Michel Cournoyer. Michel Cournoyer, ça commence à revenir. J'ai les films, j'ai pas forcément toujours les noms. À Valence, il y a deux réalisatrices qui font une série. Michel, ouais. C'est Dewey. Après, et Pauline. Ouais. En France, on en a reçu plein. Violaine Lécuyer, Émilie Mercier, Chloé Maslow. Après, voilà. Donc là, en fait, on a beaucoup de noms récents. Ouais, ouais. Plutôt des noms récents. Finalement, on n'a pas de noms qui datent maintenant de. Je sais pas, il y a 40, 50 ans. Il y avait pas une femme qui était... sa femme, elle travaillait avec lui. C'est intéressant. Ouais. La femme de... la femme, celui qui faisait les épingles aussi, je sais qui travaillait avec sa femme. Donc Claire Parker. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc en effet, donc on a les femmes qui ont souvent été un peu derrière, je veux dire. Caroline Leaf. Alors voilà, on a Caroline Leaf qui est sûrement l'une des personnages les plus importants. Alors l'ONF, les Québécois. Continuez à vous battre, d'ailleurs, voilà, puisqu'on y est en même temps. Continuez à faire du bruit avec vos casseroles. Non, c'est vrai, on était en train... Enfin bon, parlons pas du... on pourrait parler de ce qui se passe au Québec, c'est quand même suffisamment important. On en parlera tout à l'heure, 5 minutes. Donc oui, on a Eva Jean-Comayrova, Francesca Yerbousova, mais qui sont quand même moins connues qu'Urine Orstein ou Yann Schwankmeyer. Donc c'est souvent des coups. Suzy Templeton aussi. Suzy Templeton, qui a fait en effet sa version Pierre et le Loup, qui a eu son Oscar. Donc il y en a quelques-unes, mais... On a réussi à t'en citer pas mal, quand même. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Enfin, si je vous demande des noms de réalisateurs. Pareil, en fait, vous n'y arrivez pas ou... C'est manque meilleur. les maris des femmes. Mais il n'y a pas aussi cette... c'est pas une réalisatrice qui a fait La Vie pour 99 $9,99 $9,99 qui est tout à fait... ça y est, j'ai un truc de mémoire. Bien joué. C'est un long métrage. Bah, bravo, exact. On se demandait tout à l'heure. C'est moi qui ai gagné. Bravo, t'as gagné l'enregistrement de l'émission. Je sais pas, on trouvera. La question était quand même... Elle est sûrement naïve et sûrement mal faite autour de cette table. Et Florentine, évidemment, t'es la bienvenue pour en parler aussi. On en a parlé hors micro. Moi, je suis très impressionné de voir le nombre d'étudiantes. On en parlait, les Gobelins. Alors, ça fait peut-être voilà on, là, mais l'année en tout cas cette année il y avait presque plus de femmes, en tout cas c'était assez équilibré. Ouais, c'était 2/3 de filles. 2/3 de filles alors que ouais. Ça a toujours été une école quand même. Ça dépend en fait, nous on nous a dit qu'il y a longtemps, enfin c'est vraiment le hasard, ça va ça vient, il y a quelques années il y avait pas beaucoup de garçons et puis après il y en a eu plus, enfin ça... Sauf que si on doit parler de noms de gens qui sont sortis des Gobelins, on va plutôt avoir des noms de garçons. Le cliché. Ah, il y a Emmanuel Walker par exemple. Ces temps-ci là qui fait pas mal de choses. Ouais. Après, c'est vrai que le souci, nous, au Gobelin, c'est quand même, c'est beaucoup pour être animateur ou graphiste. Il y a, je sais plus son nom, Aurore Daman, qui fait beaucoup du design. Donc, c'est vrai que nous, on n'est pas non plus des sortants qui vont avoir des places principales de réalisateurs. On est, enfin. La Poudrière? Il y a le nombre de réalisatrices qui sortent de La Poudrière, qui font, en plus, souvent, des fois, les, ça, c'est mon point de vue, évidemment, souvent les films plus intéressants, des fois, et c'est pas forcément elles qui récupère pas mal de courts-métrages par la suite. Bon, Benjamin Renner, c'est nouveau et tout. Ouais. Non, attention, j'ai pas dit qu'il y en avait aucun. Hein. Je caricature pas, l'idée n'est pas. Je pense que même en animation, il doit y avoir beaucoup plus de femmes réalisatrices qu'en prise de vue réelle. On a oublié Florence Mihail, tout à fait, qu'en prise de vue réelle, où il y en a beaucoup, il y en a très très peu même, on va dire. Donc, Nina Paley, en effet, a fait un long métrage. Mais elle l'a fait toute seule. Elle l'a fait toute seule, en effet. Donc, il y a pas mal de gens. Est-ce que quand même, il y a un écrémage qui se fait à un moment donné? Est-ce que quand on vous propose des postes, je sais pas, peut-être, bon, Florentine, toi, t'as fait le DM1. Est-ce que c'est pris en compte, cette idée de vous êtes une femme ou pas du tout? Vous avez pas l'impression de ressentir ça? Non, bah, pas dans les formations. Enfin, dans les formations, de toute façon, bon, ça, la sélection se fait. Il y a les étudiants qui arrivent. Il y a certaines années, il y avait plus d'hommes que de femmes. Mmh. Après, c'est vrai que dans le travail, je sais, moi, j'ai pas travaillé en studio, donc je ne veux pas dire. Je donne des cours et je fais des ateliers. C'est vrai qu'en atelier, il y a plus de femmes aussi parce qu'il y a le rapport aux enfants. Mmh. Voilà, c'est vrai que je rencontre plus de réalisatrices ou de gens qui font de l'animation, qui font des ateliers après coup. Même s'il y a aussi des hommes, donc, mais je n'ai pas forcément l'impression qu'on soit. Donc finalement. Le constat de fin, il est étonnant, parce que c'est vrai que quand on est dans le milieu, on ne ressent pas du tout le fait qu'on soit une femme ou. Enfin, quand on fait vraiment. Quand on regarde vraiment, il y a quand même, à certains postes, plus de garçons que de femmes. Ouais, en anime par exemple. Enfin, par exemple, pour l'animation, en compositing. Quand on regarde, oui. Après, il y a des postes où, même à Folimage, je sais pas si je peux dire, mais si. Sur Une Vie de Chat, les gouacheuses, c'est des gouacheuses. Enfin, c'est pas, elles font pas de la peinture, mais c'est des femmes. Nous, on a une cleaneuse, quoi, qui est venue à l'école. Je sais pas si elles sont beaucoup de femmes, mais. Et voilà, mais c'est ça. Et à la Poudrière, c'est une des seules femmes intervenantes. Enfin, il y a des postes où, voilà, c'est peut-être, je sais pas, l'histoire du cinéma qui fait que c'est resté, mais c'est plus des postes où il y a des femmes que des hommes, quoi. Je sais plus, il y avait une légende. Enfin, l'idée c'était qu'en fait les femmes faisaient de la gouache et de l'encre parce qu'elles étaient plus, tu vois, minutieuses, voilà, plus précises. Que l'animation, donc, voilà. Tu vois, c'est. C'était gros. C'est un peu un truc de guerrier, tu vois. C'est ça, donc, c'était des gros bras. Ok, d'accord. Et c'est vrai que quand on est, enfin, oui, on ressent pas forcément de différence. Pourtant, il y en a. C'est ça qui est étonnant. C'est pourquoi il y en a moins. Pourquoi, enfin, Momoko, pas parler, mais je sais que t'es un petit peu par rapport au monde de l'anime, t'y viens, t'y vas, comme tu dis. Mais il se passe la même chose dans les écoles d'art aussi. Ouais. En première, deuxième année, énormément de filles à l'école d'art. Et puis finalement, quatrième, cinquième année, kiff. Et puis des grands artistes, oui, plasticiens. Oui, c'est ça, plasticiens. Des hommes. Mais oui, c'est ça, ouais. Même à Pompidou, il y avait dû avoir fait un expo exprès qui s'appelait Elle, je crois. Oui, complètement, ouais. Pour qu'on voit des femmes, c'est. Enfin, ouais. Ouais, c'est. Donc. Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain? Parce que moi, j'ai cette version sûrement stupide de garçon qui dit qu'en effet, il y a cet appel à un moment donné de cette vie à l'intérieur et de se dire, bah voilà, ouais, je peux enfanter, donc voilà, est-ce qu'il faut que je le fasse? Et le côté court terme des producteurs qui se disent d'un seul coup, quand ils ont plus quelqu'un devant eux, c'est simple, hein, c'est pas parce qu'une femme est tombée enceinte, elle a un enfant, c'est juste que ils ont les gens qui sont devant eux, et si la personne n'est plus là, ben, ils y pensent plus, et il y a des gens qui reviennent, et qu'au bout d'un moment donné, ben, c'est que des hommes qui reviennent parce que, femme, est-ce que c'est super simpliste? Sûrement, de ma part, et si c'est simpliste, à votre avis, ça vient d'où? Enfin, Momoko. Il y avait une chose intéressante, j'étais au festival de films de femmes de Bruxelles et les organisatrices étaient en train de militer du fait que à Bruxelles, à la commission pour les aides au court métrage et au film aussi, en long métrage, il y avait plus d'aides qui a été donnée aux hommes. Donc, méditait du fait, je sais plus les chiffres, mais c'était en tout cas moins de 30% des projets de femmes qui étaient soutenus finalement que des hommes. Après, je sais pas si c'est les projets d'hommes qui ont été sélectionnés étaient peut-être de meilleure qualité. Je sais pas. Ce qui est quand même bizarre, c'est comme Cannes, faut pas. Peut-être qu'il y en a eu plus, mais en tout cas, comme on voit que dans les écoles, il sort plus de autant de femmes que des hommes. Les femmes elles vont aussi écrire des projets comme Claire, qui écrit des projets, qui dépose. Or, à la commission, apparemment, en tout cas à Bruxelles, à cette année-là, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'hommes. Et du coup, peut-être le fait que moi, j'écris énormément de projets aussi que je dépose au CNC, machin, tout le truc. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent pas, qu'est-ce qu'on fait Mais voilà, le CNC, c'est pas... Enfin, je veux dire, l'identité, c'est anonyme, non? Le CNC? Les membres du jury sont pas... On sait qui c'est, justement. Ouais, on sait. Charlotte, tu voulais dire quelque chose, non? Pour toi, c'était pas... Par rapport au fait... C'était plus à l'idée des femmes qui vont avoir des enfants. Ouais. Je pense pas que ce soit aussi marquant. Je sais pas si c'est aussi marquant dans la vie d'une femme. Ça dépend quel rapport t'as à la maternité, si tu veux t'arrêter des années pour avoir tes enfants et revenir dans le monde du travail. Parce que l'animation est quelque chose de long, qui prend du temps. Donc, de long qui prend du temps. Bien joué, Alexis. C'est juste. Après, j'ai une deuxième. Il y a une deuxième possibilité quand même. J'ai pas que celle-là. Il y a une deuxième possibilité qui me paraît aussi, à mon avis, très très importante par rapport à ça. C'est que souvent j'ai entendu des gens. Ça m'arrivait d'entendre des femmes dire voilà, on a des enfants et c'est un plaisir. Hein, c'est pas de remettre ça en cause, mais on nous oublie et on a deux enfants et qu'après. Après, il y a aussi une autre question qui peut-être va aussi un peu avec, c'est que. Dans le monde de l'animation, la plupart des gens, ils sont quand même assez jeunes. Donc, qu'est-ce que deviennent les femmes après les enfants, mais qu'est-ce que deviennent les gens après, après 35-40 ans dans le milieu de l'animation, à part les réalisateurs et tout ça, mais quand tu vas dans un studio et que tu travailles, les gens, ils sont quand même assez jeunes. Et voilà. Est-ce que c'est pas un phénomène, ça, que l'animation, notamment en France, a évolué à partir des années 80? Il y a eu une véritable, quand la gauche est arrivée au pouvoir 80, il y a eu les Assises de Lyon qui ont donné beaucoup d'argent à l'animation. Et est-ce qu'on n'a pas tout simplement la résultante d'avoir pas mal d'étudiants, pas mal de gens qui sont arrivés dans fin des années 80? Imaginons qu'ils ont une vingtaine d'années en 90 et ils se retrouvent aujourd'hui à 40 ans. Pas forcément plus que 40-45 ans et qui sont finalement en anime, pour réfléchir, tu vois. Peut-être un truc générationnel. Le passage à la 3D aussi, je pense qu'a fait beaucoup de... par exemple, tous les gens qui bossaient dans l'animation depuis longtemps, je sais qu'on a des intervenants en animation qui sont plus âgés, qui ont peut-être 50, moins 50 ans, qui, y en a qui s'y sont mis et pas d'autres. Donc, vu que maintenant, il y a une grosse production, soit numérique, soit 3D, c'est vrai que ceux qui sont complètement réfractaires, soit ils sont sur d'autres prods... à l'étranger où ça se fait encore dans d'autres pays, à l'étranger. C'est vrai qu'en France maintenant, faut être un peu, faut avoir été formé il y a pas longtemps ou avoir suivi le. Pour pouvoir. Le découlement. Mais bon, c'est pas sur l'idée des femmes, mais. Quand on a un enfant. Voilà. Florentine. L'enfant, ça se pose professionnellement dans n'importe quel domaine, que ce soit l'animation ou autre. Bien sûr, non, je dis pas que c'est. Quand une femme a un minimum d'ambition dans son milieu professionnel, c'est vrai que quand elle a des enfants, ça peut la ralentir. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est vrai que ça prend quand même de la place. Tu vis pas avec des enfants comme avant. Après, tout dépend. Sauf que la seule chose. Conjoint, tout dépend de plein de choses. Mais... Sauf que la seule chose, encore une fois, je dis pas que vous êtes les seuls en animation à travailler et que quelqu'un qui est boulangère, elle a largement autant de travail, en plus, faut qu'elle se lève tôt, etc. Donc, je dis pas ça, c'est que par rapport au processus de l'animation, j'ai l'impression que le processus, s'arrêter à un moment donné, prendre 3 jours, etc. C'est moins facile quand il y a une production, quand il y a. La méthode de travail est pas la même. Si une femme, elle est à 6 mois de grossesse et qu'elle a envie de commencer un projet, à mon avis, les producteurs, ils vont pas se risquer, quoi. Donc, faudra attendre un petit moment. Parce que s'ils savent que le film risque de prendre 2 ans, le temps de développer ce genre de choses. Bah ouais. Alors, j'ai une autre. Quand même quelque chose d'autre, parce que c'est vrai que femme enceinte, c'est un petit peu, un peu passe-partout, faut pas exagérer non plus. Est-ce qu'en fait, on n'a pas un problème aujourd'hui? C'est que beaucoup de profs, il y en a de plus en plus, parce qu'évidemment, et beaucoup de gens dans les jurys, dans les commissions, sont des hommes. Et donc, quelque part... Il y a déjà beaucoup d'hommes dans les studios, donc forcément, ça va peut-être pas forcément s'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre, tu comprends toujours mieux ce qui te ressemble un petit peu plus, on va dire. Et c'est même le problème de la représentation aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup, ben, par exemple, ça change un petit peu. On voit, en effet, sur les publicités, des couleurs qui apparaissent. Voilà, on a des gens de toutes les couleurs, comme on peut avoir en France. Ça commence à apparaître, c'est encore très, très limité, mais c'est que des hommes, d'ailleurs. Souvent, c'est que des hommes. Il y a très peu de femmes qui arrivent. Est-ce qu'on n'a pas ce problème-là, finalement, d'incompréhension sur des projets un petit peu différent, on va dire. Je suis pas, oui, désolée, je suis pas très sûre parce que moi je faisais partie de la commission justement pour la région Centre l'année dernière pour l'aide au financement de courts-métrages. Et donc on était trois femmes et puis trois hommes, je crois. Et puis souvent les femmes choisissent pas forcément des projets de femmes. Et bien au contraire, souvent, c'était les hommes qui soutenaient certains projets de femmes. Et je me demande, justement, est-ce que les femmes, quand elles sont par exemple membres de jury, elles ne sont pas plus dures dans un projet de femmes ? Ça, les femmes sont peut-être plus dures entre vous que les hommes. Je ne suis pas sûre que de mettre beaucoup de femmes, finalement, ça aide. Ça aide. Je ne suis pas très sûre. Charlotte ? Moi, je m'étais plus posé la question dans la manière dont... En fait, avant même de se lancer dans un projet, dans la manière dont on fonctionne ensemble, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de collectifs ou d'équipes qui se font entre des garçons que de filles. Moi, j'ai l'impression que les filles veulent plus rester soit libres, soit avoir vraiment leur projet personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles qui se lancent seules pour lancer leur projet et qu'il y a plus de garçons qui font des équipes pour être plus forts. Et peut-être se relayer ou se compléter. Je sais pas, moi, j'ai cette impression-là. Donc, c'est intéressant. Donc, on a une première piste, parce que l'idée, c'est ça. C'est, là, dans le dernier quart d'heure, 10 minutes qu'on a, c'est trouver des pistes, en fait, qu'on pourra réutiliser lors de l'émission, une prochaine émission. Mais en tout cas, des pistes. Donc, il y aurait ça, parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, il y a plus de producteurs que de productrices. Mais visiblement, ça va complètement à l'inverse de ce que tu me dis, Moko. Ouais, c'est-à-dire que, au contraire. Dans le cinéma, il y a beaucoup de productrices. Hein. En animation, à part les films de l'Arlequin. Olivier Catherine est un homme, hein, je crois. Sacrebleu, Ron, a priori, est un homme. Hein. A priori. Voilà. En tout cas, il m'a dit. C'est ce qui est. Oui, dans le collectif, je pense qu'il n'y a que les films de l'Arlequin. Voilà. Papy 3D, si on considère Richard Vandenmoe, c'est un homme. Il y a Sarah. Qui est aussi dans le collectif, mais imaginons, parce qu'on reste sur les producteurs, même si là, il décide à plusieurs. Enfin, on va pas faire tous les, j'ai pas tous les noms, mais voilà. Bon, les trois ours, on l'a déjà dit, c'est trois mecs. Enfin, voilà, en plus. Trois ours. Les films de l'Arlequin. Je sais pas si je sais qu'il y a Laurent Pouvaret, je sais pas s'il y a d'autres personnes. Enfin, non, les films de Caro. Les films de Caro. C'est ça, hein. Les petits films à Caro. Non, je crois que c'est. Les films à Caro, ouais, voilà, c'est ça. Les films à Caro. Ouais, c'est ça. C'est mignon, les petits films à Caro. Il y a des petits Caro. Ouais, c'est. Les petits films à petits Caro. Donc c'est pas ça. Donc, en fait, on n'arrive pas à voir. Je dis pas qu'il faut absolument avoir une idée, c'est parce que moi, je. Enfin, encore une fois, c'est pas. C'est peut-être lié au producteur. Individualiste aussi. Alors, voilà, donc c'est ça. On se voit plus en. Les femmes se voient peut-être plus en tant qu'auteurs et les mecs fonctionnent peut-être plus en termes d'équipe. Moi j'avais cette impression, je trouve ça faux. Je sais pas. Alors ouais, moi, Claire. Moi je co-réalise, enfin on fait un projet à deux avec une amie et voilà, on est une équipe de filles. Et pareil, on essaye de lancer un collectif avec deux collègues de la Poudrière et voilà. Donc peut-être, c'est vrai que peut-être ça s'est pas fait avant ou pas trop, mais je sais pas. Enfin, moi je partais plutôt. Bah par contre ouais, il y avait je me dis que les produits l'année dernière, mais. Ouais, je me dis que le fait que les producteurs soient des hommes, effectivement, comme ça marche beaucoup par réseau, ça me semblerait la meilleure piste, parce que d'ailleurs, si on regarde les films de l'Arlequin, Dora Benoussilio, qui est une femme, Florence fait Mignac, beaucoup de films fait, avec des femmes. Donc, au final, ça paraîtrait la raison la plus logique jusqu'à ce jour. Ouais, voilà. Non, c'est alors. Olivier Catherin, en effet, fait pas mal. Bon, après, c'est une question de se demander. En effet, Olivier Catherin est très. Non mais il faut une sensibilité. Il y a la sensibilité. Moi je sais que c'est vraiment bête, mais souvent dans les festivals, je préfère et même enfin voilà les films je trouve par exemple d'étudiants sont beaucoup plus touchants. Enfin en tout cas vont vers quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que souvent les films d'hommes. Enfin souvent c'est une généralité, comme toute généralité, elle est aussi bête que elle veut dire certaines choses. Enfin elle est. Mais je pense qu'en effet cette idée de producteur. Alors peut-être cette idée donc d'avoir donc. On a l'idée de plutôt les hommes peuvent se mettre en collectif, en travailler ensemble, donc ils ont plus de réseau. Ouais, c'est plus le peu de gens que je connais. Pense moi, qu'ils possible. Ont plus de réseau. Entre eux, ils sont peut-être parce qu'ils sont moins individualistes, ils ont moins l'idée. Bon, on n'est pas complètement d'accord. Mais un court métrage, c'est difficile à produire et du coup, faut pour qu'il soit réussi aussi, on le dit souvent, j'ai entendu ça beaucoup souvent, j'espère l'expérimenter bientôt, mais il faut vraiment une complicité avec le producteur et il faut que l'auteur et le producteur, ils voient vraiment le film dans le même sens. Et donc, c'est sûr que peut-être les sensibilités, elles sont pas pareilles, je sais. Justement, s'il y a que des producteurs qui sont des hommes et sur une sensibilité plus féminine au niveau de l'écriture, peut-être que ça peut jouer, quoi. Est-ce que, par exemple, le fait que l'art contemporain, en effet, est-ce que dans les jurys, est-ce que dans les gens qui sont... c'est qui le responsable du Frénois ? Alain Fleischer. Voilà, c'est un homme qui a en dessous, qui a dans les... C'est deux hommes. Ouais. Donc on a quand même aujourd'hui encore des sensibilités. Je vais dire, alors au Gobelin, il y a Hélène, Beau, il y a Annick Tenage à la Poudrière. Méliès, on a deux hommes à la tête de Méliès. Lisa, on a un homme à la tête de Lisa. J'ai pas tout en tête. L'ESMA, j'avoue que je ne suis pas trop sûr, mais bon, voilà. La Cambre, c'est, si j'ai pas Vincent Gillot, il y en a peut-être d'autres, mais c'est encore des hommes. C'est souvent des hommes qui sont aussi à la tête. Alors, vous allez me dire, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, puisque là, je viens de dire plein de personnes qui sont dans les écoles, et il y a plus de filles, finalement, dans les écoles, donc c'est encore... C'est peut-être pour ça que... Bah si, comme tu dis, la directrice de Supinfocom, au Gobelin, ouais. Annick Tenin, c'est vrai qu'il y en a finalement femmes, plus, au contraire que... Il y en a quand même plus que dans la production. Quoi. Mais est-ce que c'est pas juste un phénomène actuel, c'est-à-dire dans 20 ans, maintenant qu'il y a beaucoup d'étudiants femmes et qui ont peut-être en trentaine, entre 25 et 35 ans, qui ont massivement sorti de l'école, est-ce que justement dans 20 ans, ça sera pas un phénomène inverse ? Bah si, probablement. Parce que tu fais... C'est sûr. Moi, je voudrais bien créer un festival de films d'hommes. mais c'est ça. On va faire un festival pour montrer leur. Mais c'est ça qui est un petit peu fou aussi, c'est qu'on est obligé. Alors, vous allez me dire, c'est une porte. On enfonce une porte ouverte, puisqu'en effet, c'est la société en elle-même. C'est pas que l'animation. Je veux dire, c'est vrai que je veux bien comprendre ça. Ce qui m'épate plus, c'est vraiment cette idée de Je suis pas sûr que dans les écoles, dans les autres écoles, je pense que c'est une piste de réflexion. C'est-à-dire que c'est pour ça que là il y a rien de sûr et j'arrive pas à positionner certaines choses. C'est que moi je reste quand même sur ce phénomène de qu'on peut en dire très peu. Alors je veux bien. Ok, il y a 60-70 ans, on en dit très peu parce que de toute façon on peut pas dire beaucoup de. Si je vous demande peut-être des cinéastes de prise de vue réelle, des cinéastes expérimentales, oui, Maya Deren. Maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, il y en a très peu. Donc finalement, on commence à arriver la plupart des 30 ans. Voilà, donc 30 ans. Donc en effet, c'est ça. Donc en fait, là, vous êtes super optimiste. En fait, dans 20-30 ans, on est la relève là. Oui, non, mais vous êtes la relève, donc qui va permettre finalement une autre relève. Et dans 20-30 ans, on est super tranquille. Il y aura une parité. Alors déjà, François Hollande a commencé la parité. Oui. Est-ce que c'était bien une bonne chose ? On va voir. Des quotas, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais là, on est que dans du quota finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va aller on n'en sait rien. Dans 6 mois, il y en a d'autres qui ont tenté la parité. Dans 6 mois, est-ce qu'il refait un nouveau gouvernement il y a que des mecs. Il y a quand même Fabius. Enfin bon, me lance pas sur le côté politique. Il y a quand même Fabius au gouvernement. Ça se fait pas ce genre de choses. Donc vous avez compris. C'est un petit peu peut-être. Moi, je suis vraiment pas sûr par rapport à tout ça, mais voilà, c'était... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de films d'étudiantes ou de premiers courts-métrages et qu'après, souvent les réalisatrices, même celles qu'on connaît maintenant, enfin plus de façon contemporaine, on connaît un film de fin d'études et un court-métrage, mais elles n'ont pas fait beaucoup de courts-métrages, à part Florence Miaille, mais c'est vrai qu'il y a moins de réalisatrices qui ont beaucoup de courts-métrages à leur actif ou qui ont une grande carrière pour l'instant. Quoi. Ouais. Caroline Niv, on parlait des Canadiennes, en effet. Oui. Il y a peut-être au Québec, notamment, et à l'ONF. Anita Kill, elle a fait quand même... Oui, alors, mais ouais. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des gens qui, en effet, c'est des femmes qui arrivent. Donc, on est en train de voir. Mais Anita Kill, par exemple, c'est des gens qui travaillent aussi souvent avec leur propre travail et qui vont d'un seul coup le mettre en animation. Parce qu'à part d'une BD, on va pas rentrer training, mais à part d'une BD à elle, enfin, d'un livre d'illustration à elle, et elle le fait. Donc, elle a déjà une connaissance. C'est comme Marjane Satrapi. C'est-à-dire qu'on donne aux femmes, quand elles ont un nom, d'un seul coup, on leur dit, ok, là, ça va. Ça peut être intéressant et tu peux venir parce que ton nom veut déjà dire quelque chose. Mais sinon, j'ai pas cette impression qu'on va vous laisser plus facilement, regarder le, on regarde, parce que c'est monsieur qui regarde l'heure, donc on regarde ouais, l'heure toujours. Bon, de toute façon, là, vous avez compris que l'idée était de parce que si vous avez des idées, voilà, si vous avez des envies, en effet, parce que, bah voilà, on vient de m'envoyer un texto en disant, bah, ce serait bien de faire une nuit de l'animation de femmes. Là, il y a eu récemment les femmes québécoises, enfin voilà, la production de femmes. Il y a pas mal de alors, il y a des festivals de films de femmes, que ce soit en animation ou autre. Alors, est-ce que c'est bien de faire des festivals de films de femmes? Ah, ça, oui, c'est toujours bizarre. Moi, je bizarre. Moi, j'aime pas trop. C'est vrai que c'est. En fait, j'arrive pas trop. C'est super bien au niveau de la diffusion, parce que. Bah pour tous ces gens-là qui essaient de montrer leurs films et qui sont peut-être pas sélectionnés, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. C'est bien. Après, en termes d'image, c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Enfin, moi, c'est plus le fait qu'on est obligé de faire ça pour en montrer. Ouais. C'est comme ça la catégorie devrait... animation. Hein. Mais je vais pas lancer Alexis là. C'est un peu ça. Non, non. Il vaut mieux pas donner une image. C'est bien. On a l'émission juste après, donc voilà. Nicolas, bah on va finir avec peut-être juste pour nous avoir une petite mission. On est quand même pas trop en retard, hein. On va finir sur je sais pas un tout petit bout, puisque le morceau fait 6:41, donc on écoutera juste une petite minute du 9e morceau. C'est Art Pepper de Prisoner, qui a un thème pour d'un film qui s'appelle The Eyes of Laura Mars, donc les yeux de Laura Mars. Et on a pris du temps. Moi, ce qu'on peut peut-être faire, c'est l'une des prochaines émissions repartir sur ce thème-là. Vous êtes tous les trois, si vous êtes présents, si vous pouvez. Et voilà. Et en tout cas, c'est lancé. L'idée était de lancer peut-être ce débat-là et d'en parler. Cette réflexion voilà. Et même de voir si on a des retours sur Internet. Enfin, vous pouvez nous écrire à emissionbdr@gmail.com. C'est bien ça, emissionbdr@gmail.com. Si vous avez des réactions ou des idées. Et on avait d'autres réalisatrices qui devaient venir aujourd'hui, qui n'ont pas pu venir. Et qu'on pourrait réinviter pour continuer à réfléchir. Voilà. Et ben merci beaucoup à toutes les trois. Et puis j'espère à bientôt ici. Et puis merci Nicolas. Et donc à on se voit le 23 juin. Merci.